Qu'avait-il de plus que les autres? Quasi analphabète, comment ses souteneurs, tout juste débarqués de leur île natale, vont-ils parvenir à s'élever dans la hiérarchie du milieu jusqu'à en devenir les parrains pendant plus de 2 décennies? Mais surtout, et c'est l'une des questions qui occupe M. X, pourquoi sont-ils si longtemps restés intouchables? Je veux bien sûr parler des frères Guérini, des caïds corses qui ont fait pendant des années la pluie et le beau temps à Marseille. Des frères, essentiellement les deux aînés, Antoine et Barthélemy dit mémé, qui vont s'élever au-dessus de leur père en gangstérisme parce qu'ils sont plus intelligents, mais surtout parce qu'ils exploitent habilement la situation politique. À vrai dire, ils ont eu des précurseurs, les sinistres Carbone et Spirito, qui ont frayé avant-guerre avec le fascisme avant de sombrer dans la collaboration et la collusion avec la Gestapo. Les Guérini, eux, choisissent le camp opposé. Mémé, résolument et avec un courage certain, Antoine, de façon plus opportuniste et sans jamais oublier de faire fructifier ses affaires délictueuses. Il n'empêche qu'à la Libération, le clan des Guérini règne sans partage et va exploiter sans vergogne les amitiés et les complicités forgées dans la résistance. Et bientôt, alors que la guerre froide va enfoncer un coin dans les alliances politiques passées dans le combat, les Guérini s'engagent à nouveau et deviennent des auxiliaires précieux dans la lutte contre le communisme. Des auxiliaires qui n'hésitent pas à fricoter avec les services secrets. C'est naturellement ce dernier point qui a surtout retenu l'attention de M. X. Marseille devient très vite un enjeu dans la guerre froide qui s'annonce. Et cela pour plusieurs raisons. Je vous explique brièvement. Le port, qui a été relativement épargné par la guerre, est alors l'un des seuls points d'arrivée du matériel militaire américain en Europe. Pour les forces d'occupation? Évidemment. Et il y a encore des dizaines de milliers de GIS en France, en Allemagne, en Autriche, etc. Et tous ces soldats doivent être ravitaillés. D'autre part, c'est aussi par Marseille que va bientôt passer l'aide consentie à notre pays par le fameux plan Marshall. Pour la reconstruction. Et aussi, il ne faut pas le cacher, pour contrer l'influence communiste. Le parti, qui est associé à l'action gouvernementale jusqu'en 1947, est tout puissant. On craint même qu'avec le soutien de Moscou, ils ne prennent le pouvoir. Oui, mais en fait, on le sait maintenant, Staline n'a pas l'intention du tout d'exporter la révolution en France. C'est vrai. Et d'abord parce qu'il a déjà fort à faire avec les pays d'Europe de l'Est qui sont tombés sous sa coupe. Toutefois, à Washington, on est très inquiet et tout est envisagé pour éloigner ou étouffer le danger communiste. Enfin, pour revenir à Marseille, il y a une dernière raison. La France est alors militairement engagée en Indochine. Mais les soldats et matériel militaire sont embarqués à Marseille. Et c'est pourquoi le contrôle de son port est devenu un enjeu de taille. Or, les dockers sont affiliés à la CGT. Oui, la CGT qui est alors, il faut le dire, une courroie de transmission du Parti communiste. En effet. Mmh. Et les dockers font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer les expéditions militaires à destination de l'Indochine. Mmh. Parce qu'ils accusent les autorités françaises de mener là-bas une guerre coloniale et anticommuniste. Bien sûr. Mmh. Alors, voyons maintenant la situation politique dans la ville même. Je vous l'ai dit la semaine passée, le socialiste Gaston Defre s'est imposé dès la libération de la ville. Oui, vous avez dit que ces hommes se sont même emparés mitraillettes à la main du quotidien local au profit de Gaston Defêre. Et parmi ces hommes des milices socialistes créées sous l'occupation, il y avait nombre de membres de la Pègre, du milieu corse essentiellement. Et donc des truands du clan Guérini. Forcément. Et par conséquent, à la sortie de la guerre, Defêre est l'homme fort de Marseille. Et si je vous ai dit sa méfiance instinctive est très protestante vis-à-vis du milieu, il n'empêche que sa garde rapprochée est formée de truands. Oui, il le sait fort bien. Bien entendu, c'est important. Parce que par la suite, régulièrement, ses adversaires politiques accuseront Defêre d'avoir des liens avec la Pègre et les Guérini. Mais personne ne pourra jamais établir qu'il a personnellement bénéficié de cette proximité. J'ai bien dit personnellement. Politiquement, bon, ça c'est autre chose. Disons que Gaston, comme on l'appelait à Marseille, n'a jamais refusé les soutiens qu'on lui apportait et qu'il feignait de ne pas voir. C'est très malin ou très hypocrite. Defêre était un grand politique. En tout cas, dans la période agitée qui suit la libération, il va effectivement avoir besoin de soutien. Parce que, pour simplifier, il a 2 adversaires. Le premier se trouve dans son propre camp, la gauche socialiste. Il s'appelle Ferry Pisani. Oui, c'est un homme qui a joué un grand rôle avant la guerre et qui, m'avez-vous dit, hein, a lui aussi fricoté avec les Guérini. Avec Antoine, surtout, oui. Lorsque sur le port, il fallait affronter les nervis fascistes de Sabiani. Le syndicaliste Ferry Pisani est alors une figure de Marseille. Et après la guerre, il entend naturellement revenir au premier plan. Mais Defer n'est pas prêt à lui laisser la place. Et curieusement, la rivalité entre les deux leaders socialistes va rejaillir à l'intérieur du clan Guérini. C'est-à-dire Antoine, qui a aidé autrefois Ferry Pisani, lui reste fidèle. Tandis que Mémé, qui a connu Defer dans la résistance, choisit de demeurer à ses côtés. Mais discrètement, si je vous ai bien compris. Autant que possible, oui. Ouais. Et ces choix différents entraînent-ils une brouille entre les deux frères? Pour parler franchement, ils se sont sans doute engueulés, ça c'est certain. Mais les Guérini, qui ont souvent divergé, ont toujours eu l'intelligence de dissimuler leurs querelles. À l'extérieur, en tout cas. Mais pour revenir à Gaston Defer, là, c'est lui qui va gagner la bataille contre Ferry Pisani. Il obtiendra même que la Fédération socialiste, dont Ferry Pisani avait pris la tête, soit dissoute par les hautes instances de la SFI. Ouais. Et vous avez parlé de deux adversaires. Alors. L'autre, c'est naturellement le Parti communiste, dont le leader marseillais est alors Jean Christoffel. Un homme très populaire à Marseille. Si populaire même qu'en 1945, à l'issue d'un premier scrutin défavorable aux socialistes, il remplace Gaston Defer à la tête de la délégation municipale qui fait alors office de conseil municipal. Defer doit donc se retirer. Oui. Oui, mais enfin, il est bien décidé à prendre sa revanche à la première occasion. Malheureusement, en décembre 1946, une deuxième consultation électorale confirme la prééminence du Parti communiste et Christoffel devient maire. Il faut dire que la rivalité entre Defer et Ferry Pisani a pesé très lourd dans l'affaire. Oui, au détriment des socialistes. Bien sûr. Je dois ajouter que la compétition électorale a été féroce. La bourgeoisie marseillaise pouvait difficilement accepter que le premier port de France passe sous l'autorité des communistes. Des communistes très actifs qui entendent reconstruire leur ville, ruinée et gravement endommagée par les bombardements qui ont précédé la libération. Aussi font-ils appel à des équipes de travailleurs bénévoles qui se lancent dans les rues avec enthousiasme. Ah, ça doit encore accroître la popularité de Christoffel et des siens. En effet. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la guerre froide qui commence vraiment. À Paris, le gouvernement tripartite, socialiste, communiste, démocrate chrétien du MRP, se fissure. Et en mai 1947, le président du conseil, Paul Ramadier, finit par renvoyer les ministres communistes. En même temps, sur les quais de Marseille, ça bouge. Les dockers, CGT, s'opposent violemment aux livraisons du plan Marshall. Ah, et ça doit irriter Washington au plus. Washington, qui a déjà décidé d'agir. Mais nous allons voir cela dans le détail. Ouais. Auparavant, regardons la surface des choses, c'est-à-dire le déroulement des événements de cet automne 1947. Ce que tout le monde attend, ce sont les nouvelles élections municipales prévues en octobre. À noter qu'il y a un nouveau venu, le parti créé par le général de Gaulle. Oui, le RBF, quoi. Oui, un parti attrape-tout, où l'on trouve d'authentiques résistants, mais aussi des nostalgiques de Vichy et une masse de gens qui ont simplement peur du communisme. Donc un parti de droite. Incontestablement, même si quelques militants, ce qu'on appellera plus tard les gaullistes de gauche, arrivent quand même à surnager au milieu de cet ensemble droitier relativement populiste. L'élection se déroule donc dans un climat très tendu. Il en ressort un conseil municipal ingouvernable. Quoi, pas de majorité? C'est ça. Les communistes ont bien résisté, mais pas assez. En face, il y a les socialistes, mais aussi un gros tiers d'élus RPF. Et finalement, après de longues tractations, les amis de Gaston Defer basculent et font élire un maire RPF, un certain Carlini. Ça doit déchaîner la colère des communistes. Ah, bien entendu, il crie à la trahison. Et la tension sociale ne fait donc que redoubler. Sur les quais? En particulier, oui. Mais c'est une décision prise à Paris qui met le feu aux poudres. À peine 2 semaines après l'élection de Carlini, le ministre des Transports, le socialiste Jules Mock, augmente le tarif des billets de tramway. Et cela déclenche une violente protestation des milieux populaires marseillais. Une protestation orchestrée par les communistes? C'est de bonne guerre. D'autant que les communistes n'ont toujours pas digéré la perte de la mairie. Alors la CGT lance un mot d'ordre de grève et de boycott des transports publics. Ah, décidément, les transports publics à Marseille... Oui, effectivement, c'est un sujet qui a toujours été très conflictuel dans la cité phocéenne. Quoi qu'il en soit, ça dégénère très vite. Des tramways qui roulent encore sont renversés. Et une impressionnante manifestation descend la Canebière. Le fer de lance de ces contestataires est composé de jeunes ouvriers des aciéries du Nord, qui, dès la libération, ont pris en main leur entreprise. Une forme d'autogestion. Exactement. Des heurts très violents se produisent entre les manifestants et les forces de l'ordre, gardes mobiles et CRS. Et 4 hommes sont arrêtés et aussitôt emprisonnés. Ils doivent être jugés dès le lendemain. C'est ce qui va provoquer l'explosion. Des événements très violents où l'on va assister, pour la première fois, à une intervention directe des truands marseillais. L'élection du gaulliste Carlini à la mairie de Marseille, grâce à Gaston Defferre et à ses amis socialistes, a provoqué un véritable choc chez le peuple de gauche. Ainsi, voici ce qu'écrit Jacqueline Christoffel, l'épouse du maire communiste élu en 1946, dans un ouvrage intitulé « Bataille pour Marseille » paru en 1997. Le lendemain, la une de Rouge Midi est ainsi titrée. Trahison socialiste, Defferre a livré la mairie de Marseille aux ennemis de la République. C'est une véritable onde de choc qui se propage dans la population. Colère et déception, telles sont les réactions exprimées par les militants dont certains se déclarent décidés à mourir s'il le faut pour leur idéal. La classe ouvrière se sent frustrée de ses sacrifices et de sa victoire sur l'hitlérisme, des efforts mis en œuvre dans les usines pour relever le pays, l'effort de production n'a servi qu'à augmenter les profits pendant que les conditions de vie s'aggravaient par une diminution constante du pouvoir d'achat des salaires. Les salaires se trouvent à mi-chemin du coût de la vie, c'est-à-dire à 650% par rapport à 1938, tandis que l'indice du coût de la vie dépasse 1300, déclare Jean Christoffel à l'Assemblée nationale. La situation est explosive et dans une telle ambiance, il ne serait pas difficile de provoquer des désordres. Et des désordres, il va effectivement y en avoir. La suite avec Monsieur X. Les 4 manifestants comparaissent donc devant le tribunal au lendemain ou au surlendemain de la manifestation. La salle est bourrée de monde. Et des milliers de femmes et d'hommes se pressent devant le palais de justice. Oui, des communistes, des sympathisants. Pour la plupart, oui. Ouais. Un des inculpés, un ancien déporté, est immédiatement libéré. Mais les 3 autres, sur intervention pressante du préfet auprès des magistrats, demeure sous mandat de dépôt. Et immédiatement, toute la salle se soulève, bouscule les gendarmes, disperse les dossiers et libère 2 des 3 accusés. Bon, disons-le tout de suite, ces hommes seront rejugés plus tard et bénéficieront d'un non-lieu. Mais c'est dans un autre lieu de Marseille que s'est déplacée la violence. Où ? À la mairie, où le conseil municipal s'est réuni et discute justement de cette affaire d'augmentation de la tarification des transports publics. Dans la salle, plusieurs petits truands ont pris place. Sur le siège du public ? Oui. Et ce sont des hommes de Guérini ? Je vous ai dit que les Guérini étaient les parrains incontestés. Ouais, par conséquent, ces hommes de main avaient dû recevoir des ordres. Parce que j'imagine mal ces voyous s'intéresser à la politique municipale. Quoi qu'il en soit, très vite, une violente querelle éclate entre un conseiller, un avocat bien connu pour assurer la défense des souteneurs locaux et une conseillère communiste. L'altercation dégénère, les truands se mettent de la partie et se ruent sur les communistes qui vont eux-mêmes bientôt recevoir le soutien des manifestants de retour du palais de justice. Bref, l'échauffourée à l'intérieur comme à l'extérieur est générale et ne prend fin que grâce à l'intervention de l'ancien maire communiste Christoffel, qui déclare au balcon de l'hôtel de ville que son successeur, Carlini, a démissionné. Ce qui est faux. Bien entendu. Mmh. Ça calme un instant les protagonistes. Bon, pas trop longtemps, cependant. Car les jeunes ouvriers des aciéries du Nord n'ont pas l'intention d'en rester là. D'autant que l'intervention des membres de la pègre les a mis en fureur. Et ils se dirigent vers le quartier de l'Opéra où sont regroupées les boîtes de nuit et les bars exploités par le milieu. C'est une sorte d'expédition punitive ? En tout cas, ça y ressemble. Et les vitrines commencent à voler en éclats. Mais au détour d'une rue, des truands armés jusqu'aux dents arrêtent les casseurs. Et des coups de feu partent. Plusieurs manifestants tombent, blessés. Et l'un d'eux, un jeune ouvrier, ne se relève pas. Mort ? Oui. Et ces assassins-là, ces truands, sont identifiés ? Plusieurs témoins parlent des frères Guérini, mais mystérieusement, ces gens ne tarderont pas à se récuser. tant et si bien que les Guérini bénéficieront d'un non-lieu. Mmh. Alors, pour vous, vous étiez coupable ? Écoutez, j'étais quand même pas sur place, mais le fait d'affronter une foule en colère, pistolet au poing, ça ressemble bien à Mémé Guérini qui, je vous le rappelle, avait détruit tout seul un char allemand en projetant contre lui son auto avant de le détruire à la grenade. Ouais. Courageux, je sais. Enfin, en tout cas, cet assassinat n'a pas dû calmer les choses. Hein. Bien au contraire. Tandis qu'on organise des obsèques grandioses pour ce jeune ouvrier, la CGT décide une mobilisation nationale. Nationale ? Oui. Et effectivement, la grève s'étend à toute la France. Déjà, des rumeurs courent dans Paris, les communistes seraient prêts à se saisir du pouvoir. Ce qui est tout à fait faux. Car on aura même l'impression que les Français feront tout au contraire pour que le mouvement reflue. Mais peu importe. Ces bruits rendent service à tous ceux qui font profession d'anticommunisme. Et paradoxalement, ce sont d'abord les CRS qui vont payer la casse. Les CRS, mais pourquoi là ? Parce qu'en haut lieu, on estime que certaines compagnies n'ont pas tout fait pour rétablir le calme et donc juguler les manifestants. En conséquence, certaines de ces unités, soupçonnées d'être infiltrées par des éléments communistes, sont purement et simplement dissoutes. Mmh. Et la chasse aux sorcières ? Enfin, ça y ressemble. Ouais. Et ce n'est qu'un début. Car les positions des uns et des autres se raidissent. Oui, à cause de la guerre froide. Je vais y revenir. Hein. Les violents événements de Marseille trouvent un écho à l'Assemblée nationale. Gaston Defferre et Jean-Christophe sont tous deux députés et s'affrontent sans aménité. Le communiste met en cause les Guérini et accuse le socialiste d'avoir parti lié avec ces truands. Et riposte de Defferre ? Ben, il répond, on sent culot qu'il ne connaît pas les Guérini. Alors qu'il a fréquenté au moins Mémé Guérini dans la résistance. Et qu'il a placé à la direction du Provençal un cousin des Guérini, mais enfin qu'importe. Il affirme avec hauteur que s'il croisait Mémé Guérini dans la rue, il serait incapable de le reconnaître. C'est un peu fort quand même. Je suis d'accord, mais enfin, Defferre était ainsi. Et il n'était pas aisé de le contredire ou de l'accuser de mentir. N'oubliez pas qu'un peu plus tard, dans les années 60, je crois, il provoquera en duel un député gaulliste. Battront effectivement l'épée à la main. Hein, c'est juste. Je me souviens. Moi, ils ne cesseront le combat qu'au premier sang, celui du député gaulliste, si ma mémoire est bonne. Bon, enfin, je m'éloigne là. Au niveau national, le mouvement de grève s'effiloche en cette fin 1947, essentiellement parce que le parti communiste, sur ordre de Moscou, met les pouces. Mais à Marseille, on est loin de l'apaisement. Car l'enjeu, je vous l'ai dit, c'est le contrôle du port. Et pour le moment, c'est la CGT qui commande. Hein. Oui, oui, la CGT qui a le monopole de l'embauche des dockers et impose sa volonté aux armateurs et à tous les patrons. Une véritable citadelle forte d'une dizaine de milliers d'hommes qui fournit aussi au Parti communiste service d'ordre et garde du corps. En tout cas, je vous l'ai dit, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, les grèves continuent. Et les affrontements aussi. Les incidents se multiplient sur les quais, et la nuit n'est pas rare que des bagarres se terminent par des coups de revolver. Des bagarres qui opposent qui alors ? Les grévistes et les briseurs de grève, c'est-à-dire les hommes de main recrutés dans le service d'ordre du parti gaulliste, le RPF, ou directement dans les bars fréquentés par le milieu. Et les Guérini dans tout ça ? Mémé, prudemment, se tient à l'écart, mais son frère Antoine, lui, n'hésite pas à s'engager. Son mentor politique, Pierre Ferry-Pisani, a en effet décidé de se lancer à fond dans la lutte contre la CGT. Exclu de la CFIO, mais auréolé par son passé d'ancien syndicaliste, Ferry-Pisani compte de nombreux partisans à Marseille et entend bien profiter de sa popularité chez les marins. D'autant que c'est un personnage charismatique, mais il a surtout un puissant allié. Un citoyen états-unien, un certain Irving Brown. Oui, j'ai entendu parler. Mais qui est-ce exactement ? Bon, officiellement, ce syndicaliste de l'AFL, le puissant syndicat américain, est chargé des relations avec ses homologues européens. Mais en réalité, ce type est un agent de la CIA. Et à Marseille, il n'arrive pas les mains vides. Il a des dollars, beaucoup de dollars. Et le cas échéant, il peut aussi fournir des armes. Et c'est ainsi que Ferry-Pisani peut rassembler autour de lui, grâce à son ami Antoine Guérini, quelques grosses pointures du milieu. Vous avez des noms, hein ? Bien sûr. On y trouve des hommes qui feront parler d'eux plus tard. Marcel Franchichi, par exemple. Ah oui, le chef de clan qui sera plus tard soupçonné d'être le vrai patron de la French Connection. Oui, oui, filière de la drogue à destination des États-Unis. Et ce sont les services américains de lutte contre le trafic d'héroïne qui l'accuseront, ce qui ne manque pas de sel. Car dans les années qui nous intéressent, c'est la CIA qu'il soutient, lui et ses amis du milieu. Au reste, il faut souligner que Francisci ne sera jamais inquiété et qu'il n'ira toujours jouer un rôle dans ce trafic. Oui. Et à part Francisci ? Bon, on trouve d'autres grands noms du milieu, comme les frères Renucci. Et puis, cet étrange commissaire Blément qui va quitter la DST pour devenir un gangster. Et puis encore bien d'autres. Autant de types qui fricotent avec le RPF et qu'on retrouvera plus tard dans le sac le service d'action civique des gaullistes. Mais je reviens à Irvin Braun. Son véritable objectif, c'est de libérer le port de l'emprise de la CGT. Et pour réussir, il envisage tout simplement, avec l'aide de son ami Ferry Pisani, de fomenter une scission à l'intérieur du syndicat. L'homme clé de l'action de la CIA à Marseille et plus généralement en France, c'est donc cet Irvin Braun, véritable chef d'orchestre de la lutte anticommuniste. Jacques Folleroux et Vincent Nouzille l'évoquent ainsi dans leur ouvrage sur les parrains corses. Ancien agent des services secrets américains durant la guerre, Braun est officiellement depuis 1945 le représentant en Europe de l'AFL, la puissante centrale syndicale américaine. Vibrionnant, amateur de bonne chère, rompu aux relations publiques, Braun navigue entre Bruxelles, Paris et Rome pour soutenir la naissance d'un front politico-syndical libre. Il est en contact permanent avec son ami intime, Jay Lawson, cet ancien communiste devenu un farouche militant anti-soviétique est responsable du Free Trade Union Committee, le comité de politique étrangère de l'AFL. C'est surtout une recrue de choix de la CIA. Ensemble, depuis 1945, Braun et Lofton ont déjà financé plusieurs mouvements socialistes modérés en Europe, du Parti social-démocrate allemand aux amis de Léon Blum. Ils ont soutenu au sein de la CGT la tendance minoritaire conduite par Léon Jouot et Robert Botreau. L'Américain incite ses amis français à la scission avec la CGT au lendemain des grandes grèves de novembre 1947. Les 18 et 19 décembre, après des débats houleux, la minorité de la CGT décide de quitter le navire unitaire. Le nouveau syndicat, Force ouvrière, FO, tient son congrès fondateur à Paris en avril 1948. L'AFL d'Irving Braun signe des chèques pour un montant conséquent de 25 000 dollars. Mais, plus tard, Folleroux et Nouzille l'affirment, la CIA versera des centaines de milliers de dollars, en particulier à FO. Fin 1947, les grèves se terminent à Marseille. Mais il est évident que les communistes restent mobilisés. Oui, que les mouvements sociaux peuvent donc reprendre à la moindre occasion. Par conséquent, Irving Braun et Ferry Pisani doivent agir vite. Il faut croire qu'ils sont efficaces. Dès la mi-décembre, la scission se produit au sein de la CGT. Mais donc c'est la création du syndicat Force ouvrière. Hein. Et c'est la CIA qui finance. Directement ? Bon, bien sûr que non. Les Américains distribuent de l'argent à leurs syndicats qui font ensuite des donations à FO et à d'autres organisations européennes anticommunistes. Mais c'est la même chose. Évidemment. Toutefois, la citadelle CGT n'en est que tout juste ébréchée à Marseille. Ça, elle reste debout. Et à la mi-48, lorsque les premiers cargos états-uniens débarquent, les marchandises promises par le plan Marshall, ce sont les hommes d'Antoine Guérini qui doivent assurer la sécurité de l'opération. Arme à la main ? Naturellement. Mmh. Et sans faire de l'anti-américanisme primaire, il faut bien observer que les États-Unis vont faire feu de tout bois dans leur lutte contre le communisme. À Marseille, on l'a vu, ils engagent des truands. Ailleurs, ils vont employer des gens qui ont collaboré avec le nazisme, même des criminels de guerre. Il me semble que vous exagérez un peu. Pas du tout, pas du tout. Les services états-uniens, en parfait accord avec le pouvoir politique, considèrent alors que tout ennemi du communisme est par force un allié de l'Amérique. Ouais, alors, truand, criminel de guerre... Et inutile de revenir sur le cas d'un Barbie. On va en avoir un nouvel spectaculaire exemple avec le gangster François Spirito. L'ancien partenaire de Carbone. Hein. Le collabo, oui. Ouais. Après être passé en Amérique du Nord, il a replongé dans le trafic d'héroïne et il a fini par être arrêté par les stupes états-uniens. Mais il a gardé beaucoup d'amis. En France ? Bien évidemment. En France, ou dans le milieu, on considère que le grand, comme on l'appelle, est un excellent organisateur. Et grâce à l'alliance Ferry Pisani-Irving Braun, il va être libéré. Et de retour en France, il sera une pièce maîtresse de ce noyau de truands qui, tout en participant au trafic de drogue, joue un rôle dans la lutte anticommuniste et le contrôle des quais. Et c'est sans doute par son intermédiaire que le célèbre Lucky Luciano prendra contact avec les Guérini. Et les associer donc au trafic international de drogue. Hein. Absolument. En tout cas, ça veut dire que la CIA de l'époque n'était pas tout à fait étrangère à ce trafic de drogue. Ben, j'en suis persuadé. Irving Brown lui-même, selon certaines sources, aurait trempé dans ce commerce clandestin. Mais comment s'en étonner ? En Indochine française, ce sont les officiers de nos services secrets qui ont convoyé l'opium des Méos, un trafic qui, dès notre départ, a été relayé par les hommes de la CIA. En outre, bon, vous le savez bien, les services secrets, tous les services secrets, ne dédaignent jamais de se livrer à des activités occultes qui remplissent leur caisse noire. Ouais, c'est un sujet dont nous avons déjà parlé dans le passé. Hein? C'est exact. Un dernier mot peut-être sur Irving Brown, le grand ami d'Antoine Guérini. Mm-hmm, je vous écoute là. Eh bien cet homme liche de la CIA qui, entre parenthèses, s'occupe aussi de la pénétration dans les milieux intellectuels. Mais enfin, bon ça c'est une autre histoire. Très intéressant. J'essaierai de vous raconter ça un jour. Ouais. Donc, ce Brown sera obligé de quitter Marseille à cause de Gaston Defer. Defer qui, à l'époque, au moins, est pourtant aussi anticommuniste que lui. C'est certain. Mm-hmm. Mais Brown est très lié à son meilleur ennemi, Ferry Pisani. Or, Gaston, qui envisage de conquérir toujours la mairie de Marseille. Qu'il fera, hein, au début des années 50. En 53, je crois. Donc, Defer veut se débarrasser de son rival, Ferry Pisani. D'autant que celui-ci répand de très vilains bruits sur lui. Quoi ? Bah, selon Ferry Pisani, Defer serait l'homme de paille des milieux d'affaires. C'est vrai, ça ? Non. Mais Defer, qui ne supporte pas qu'on mette en doute son intégrité, contre-attaque violemment. Il écrit au président du conseil, ça devait être Henri Cueil, et dénonce les activités clandestines d'Irving Brown. Il demande même au chef du gouvernement d'intervenir auprès de l'ambassadeur états-unien pour qu'il y soit mis fin, au motif que cela perturbe les actions anticommunistes qu'il entreprend lui-même à Marseille. C'est quand même curieux, ça. Il va obtenir satisfaction. Bon, en tout cas, au début des années 50, Brown disparaît de Marseille. Alors, revenons à la famille Guérini. Cette période de l'après-guerre, et ça durera jusqu'au milieu des années 60, est très faste pour le clan. On estime alors que les Guérini contrôlent presque 250 établissements où l'on trouve des filles. Puis il y a la drogue, le trafic de cigarettes, etc. Les Guérini seront aussi mêlés au fameux trafic des piastres. Bref, ce sont les caïds de la région. Bon, enfin, pas seulement de la région. Les Guérini ont également des intérêts à Paris, quoi qu'il en soit. Malgré les lourds soupçons qui pèsent sur eux, les deux frères semblent intouchables. Assurés de l'impunité. Oui. Et au début des années 60, ils réussiront même un petit miracle. Faire en sorte que leur nom ne figure plus au fichier du grand banditisme. Ça veut dire qu'ils ont des accointances avec la hiérarchie policière. Ben, c'est certain. Et ça explique que les policiers ne se présentent jamais chez les Guérini. Sauf, évidemment, en tant que clients, car ils savent qu'ils seront toujours bien reçus. Corruption ? Pourquoi pas ? Désormais, les Guérini se présentent comme des commerçants honorables, très grands seigneurs qui exploitent les établissements les plus chics de Marseille et où l'on rencontre des vedettes du cinéma, du showbiz, comme Delon ou Tino Rossi. Mm-hmm. Et les politiques Ils sont plus circonspects. Encore qu'on y verra Charles Pasqua ou d'autres élus corses. Oui, Pasqua, ben, à cause du pastis. Hein. Mm-hmm. Et Gaston Defer ben, il n'est pas question pour lui de se rendre chez les Guérini. Et lorsqu'il y a des rencontres, car il y en aura, elles se feront au domicile privé de Mémé. Et certaines, selon sa fille, seront particulièrement houleuses. Mais, enfin là, j'étais pas sous la table, hein. Et à mon avis, c'est d'ailleurs parce que leurs relations avec Defer finiront par s'envenimer qu'ils tomberont. Les Guérini. Mais avant d'en venir là, bah, il faut parler de cette impunité, là. Est-ce que c'est Defer qui fait d'eux des intouchables? Bah, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Defer n'avait pas besoin d'intervenir pour les protéger. Et d'ailleurs, je doute qu'il l'aurait fait. Non, ce n'était pas la peine. À Marseille, tout le monde savait que les Guérini étaient des alliés de Defer et qu'ils avaient nombre d'amis à la mairie. Par conséquent, toucher aux Guérini, c'était toucher au tout-puissant maire de Marseille. Un homme politique qui a aussi été plusieurs fois ministre sous la 4e République. Et cela, personne ne voulait s'y risquer. Donc, si je vous ai bien entendu, lorsqu'on a su que Defer et les Guérini s'étaient brouillés, On s'est alors décidé à attaquer les caïds de la pègre. Oui, enfin, c'est une explication qui en vaut une autre. Mais à laquelle vous croyez? Oui, oui, oui. Et cette brouille, alors, à quel propos? Pendant longtemps, les Guérini ont été des fidèles de Defay. Ouais, d'autant qu'il y avait les souvenirs communs de la résistance. En effet. Mais le retour au pouvoir du général de Gaulle va changer la donne. La pègre, vous le savez bien, a toujours une tendance naturelle à se situer du côté du manche. Or, tout un tas de petits malfrats vont gagner le service d'ordre gaulliste. Mais le sac, là, dont nous en parlons. Le sac, oui, oui. C'est bien pratique de posséder une carte tricolore quand on a des embrouilles avec la police. Et Mémé, le plus politique des frères Guérini, comprend qu'il va lui falloir changer s'il veut continuer à régner en maître sur le milieu. Et petit à petit, il se rapproche des gaullistes et du pouvoir en place. Ouais, et donc, comme on dit dans le milieu, il manque à Gaston de Fer. Pas lui personnellement, il est trop malin pour ça. Mais aux élections municipales de 1965, comme par hasard, certains de ses amis vont soutenir la candidature d'un autre Corse, Joseph Comiti, qui est par ailleurs parent avec un des gorilles du général Neugon. Et Antoine Guérini, lui, ne s'en cache même pas. Il épouse carrément le parti de Comiti. Et des hommes du clan vont distribuer des tracts gaullistes. Mmh, pour de faire, c'est une trahison. Hein. Et la fin d'un système. Les Guérini ne tarderont pas à s'en apercevoir. Mais il sera trop tard. Pourquoi alors? Parce qu'ils vont perdre cette protection tacite dont ils bénéficiaient? C'est ce que je pense. Même si ça n'est sans doute pas la seule explication de leur chute. Alors, voyons ça rapidement, car j'ai déjà été très long. Dans la première partie des années 60, les Guérini, surtout Antoine, s'intéressent au cercle de jeu. C'est un secteur assez fermé qui permet de gagner beaucoup d'argent, mais où il existe de terribles rivalités qui dégénèrent souvent en vendetta. Et justement, un homme se dresse devant Antoine. Pardonnez-moi, je pensais au tonton flingueur. Et cet homme, alors, qui se dresse Robert Blément. Ouais. Ce commissaire qui a fini voyou. Mm-hmm. Mais vous le soupçonnez d'avoir peut-être gardé des relations avec la grande maison. C'est cela, oui. Et malgré les conseils de son frère, Mémé, Antoine, qui déteste qu'on lui tienne tête, le fait assassiner. Quand hein? En 1965. 2 ans plus tard, Blément est vengé. Antoine Guérini tombe sous les balles d'un tueur à moto. C'est un véritable séisme dans le milieu. Personne, depuis la guerre, n'avait osé s'attaquer aux Guérini. Et c'est le vrai début de la fin. Écoutez bien. Pendant que Mémé va enterrer son frère en Corse, la villa d'Antoine est cambriolée. Tous les bijoux de sa veuve sont volés. Ouais. Deuxième affront là, pour le clan Guérini. Oui, hein. Oui, Guérini met toutes ses relations en branle afin d'identifier et de punir les 2 cambrioleurs qui ont osé. Qui sont-ils? 2 petits malfrats qui se rendent compte de la bévue qu'ils ont commise et bien qu'ils procèdent à la restitution des bijoux, Mémé va tomber dans un piège. C'est-à-dire? L'un des voleurs est abattu. Ah oui, alors tout de suite on pense que c'est Mémé qui s'est vengé. Et les policiers qui n'ont pas osé pendant de si longues années toucher aux Guérini se déchaînent. Mémé est arrêté, inculpé d'assassinat, et malgré le manque de preuves et un témoignage douteux en défaveur du caïd Corse, il est condamné à 20 ans de prison. Ouais, chute de la maison Guérini. Mais vous avez parlé de piège. Oui, parce qu'il n'est pas impossible que quelqu'un ait tué ce voleur pour faire accuser Guérini. Et prendre sa place à Marseille? Pourquoi pas? Après tout, ils étaient nombreux dans le milieu et ailleurs à estimer que les Guérini avaient fait leur temps.